Vieillissement et immortalité, partie 1 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Ce qui favorise le vieillissement sur le plan psychique, c'est l'accumulation de formes. Et l'accumulation de formes fait en sorte que l'individu a de moins en moins de fluidité et de flexibilité au niveau psychique. Donc quelqu'un, par exemple, lorsqu'il est jeune, a peu de formes dans son esprit. Donc il travaille à partir d'une mémoire nouvelle. C'est la raison pour laquelle il ne se rappelle pas de ses vies antérieures et passées. En général, à l'époque présente, ce qui fait en sorte que lorsqu'il s'incarne et qu'il vit sur Terre, il va apprendre des choses à l'école. Il risque de connaître un conditionnement scolaire qui est de plus grande qualité de celui qu'il avait vécu dans sa vie passée. Donc, par exemple, quelqu'un qui apprend des choses aujourd'hui en Occident va être beaucoup mieux éduqué dans son enfance qu'il pouvait l'être il y a 500 ans ou 1000 ans. Donc, autrement dit, le conditionnement nouveau de l'âme fait en sorte que l'individu, en suivant le conditionnement social, dans beaucoup de cas en Occident, c'est pas nécessairement automatique, va améliorer son sort sans trop avoir à faire d'efforts, c'est-à-dire que la personne va bénéficier d'un conditionnement social beaucoup plus évolué que si ça aurait été la même personne qui aurait existé il y a peut-être 100 ou 200 ans dans la société. Donc, de subir l'influence sociale va rehausser sa vibration. Par contre, lorsqu'elle a reçu cette éducation, il faut qu'elle soit en mesure de se mettre constamment à jour en fonction de la vibration la plus haute qu'elle peut intercepter dans la société pour ne pas stagner. Et c'est la même chose au niveau du vieillissement des compétences. Donc, quelqu'un, par exemple, peut apprendre, lorsqu'il est jeune, à utiliser un logiciel informatique. S'il ne met pas à jour ses connaissances en informatique, bien, ça se peut que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, ses compétences soient désuètes et que les logiciels qu'il maîtrisait si bien il y a longtemps ne soit plus du tout utilisé, donc la personne ne soit plus capable de s'insérer sur le marché du travail parce qu'elle n'aura pas les compétences requises en matière d'informatique. Donc, au niveau de l'évolution sociale, c'est essentiellement ce qui se produit. Donc, l'individu doit être capable d'être à l'affût des éléments d'évolution sociale qu'il peut intégrer et qui peut favoriser son développement, au même titre qu'il doit être capable de délaisser celles qui nuisent ou freinent son développement. Et ce qui fait vieillir, c'est l'incapacité à l'individu de se renouveler. Que ce soit un renouvellement par la société. Donc, par exemple, dans la société, il y a des nouvelles façons de s'alimenter, nouveaux régimes alimentaires qui sont plus sains. Donc, quelqu'un doit être capable de s'y adapter pour évoluer en phase avec la société, s'il se sent appelé par ça, au niveau d'une lecture vibratoire qu'il peut faire. Mais ça peut être aussi une évolution individuelle qui va se renouveler. Parce que, en fait, le vieillissement, c'est lié à l'incapacité d'un renouvellement. Donc, plus que la personne est figée en fonction de formes anciennes, plus qu'elle devient désuète et moins incapable de se renouveler, donc moins elle a de vitalité. Parce que le renouvellement est un des indicateurs que l'individu vit un contact avec l'esprit, parce que l'esprit, de par sa nature, amène un renouvellement qui est continuel et permanent. Donc, quelqu'un qui est en fusion, c'est pas quelqu'un qui stagne. Et c'est quelqu'un qui va toujours rajeunir sa psyché au fil du temps en gardant un mental qui est vide de forme ancienne et de mémoire pour avoir toujours accès à plus de vitalité et d'énergie. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui, à l'âge adulte, il va avoir 60 ans, 70 ans, qui va avoir un mental léger, libre de forme, à la différence des autres personnes qui, dans son environnement immédiat, vont accumuler des formes depuis qu'ils sont jeunes et rester attachés à ces dernières. Donc, pour ne pas vieillir sur le plan psychique, c'est garder un esprit d'un jeune enfant à l'âge adulte qui est capable d'ouverture à la nouveauté. Donc, autrement dit, quelqu'un, lorsqu'il est jeune, il est ouvert à la nouveauté parce qu'il est dépourvu de forme dans le mental. Et c'est d'être capable de conserver cette capacité à l'âge adulte qui permet d'avoir une jeunesse psychique. Mais c'est pas parce que la personne a une jeunesse psychique que ça l'empêche de vieillir pour autant automatiquement au niveau physique, parce qu'il y a quand même une programmation qui est là en relation avec son statut planétaire. C'est sûr que cette programmation, dans une certaine mesure, peut être contrecarrée par une programmation cosmique en relation avec son statut au niveau mental, s'il a à vivre la fusion et s'il a existé longtemps sur le plan matériel compte tenu de son plan de vie. Donc, autrement dit, il y a des nuances qui doivent être apportées. Par contre, que la personne ait à vivre longtemps ou non, d'être capable d'être libre des formes anciennes qui limitent l'obsolescence d'une psychologie individuelle en relation avec l'attachement à des mémoires est toujours utile parce que plus que la personne est attachée à des mémoires, plus qu'elle est rigidifiée, et plus qu'elle est rigidifiée, moins elle est capable de composer intelligemment avec son environnement parce qu'elle est remplie de filtres, elle est remplie de croyances, elle est remplie d'informations qui l'empêche d'être capable de composer avec la nature de la réalité qui est de nature énergétique. Donc, plus qu'elle est en l'accumulation de formes, plus qu'elle compose avec des formes, et moins elle a accès à une adéquation totale et intelligente avec la vibration du moment. Donc, plus qu'elle est en déphasage. Donc, pour ne pas être en déphasage, il faut que la personne soit capable de connaître un renouvellement continuel au niveau de sa psyché. Et ça, ça va lui permettre d'être capable d'être à l'aise pour discuter à la fois avec un jeune de 30 ans alors qu'elle en a 60 ou 90 sans se sentir en déphasage par rapport à elle en fonction de formes différentes. Donc, si elle est capable de travailler avec le jeune en fonction d'une relation qui se base sur la vibration qu'elle peut intercepter de lui et de composer avec ça, eh bien, à ce moment-là, elle ne se sentira pas vieille par rapport au fait que le jeune n'a pas les mêmes références au niveau culturel, social et technologique qu'elle. Donc, autrement dit, si elle a l'ouverture d'esprit, ben, elle peut avoir de l'aisance à discuter et à interagir avec des gens de différents âges. Donc, elle peut, à ce moment-là, conserver une certaine vigueur, une certaine jeunesse d'esprit. Essentiellement, le vieillissement psychique est lié à l'incapacité à l'individu de se renouveler, ce qui fait en sorte que l'individu fait primer la forme sur la vibration, donc il vit davantage en fonction de forme, c'est-à-dire de mémoires anciennes, plutôt qu'une vibration nouvelle de l'esprit qui lui permet d'intégrer de nouvelles idées. Donc, si la personne est en relation constamment avec des idées anciennes et qu'elle n'est pas capable d'intégrer des idées nouvelles, ben c'est ça qui va la faire vieillir parce qu'elle n'est plus capable de se dynamiser, c'est-à-dire accéder à un rehaussement de son énergie en relation avec l'intégration d'idées nouvelles qui va lui permettre de rester allumé. Donc, si la personne renonce à intégrer de la volonté, de l'intelligence avec des idées nouvelles et donc elle n'a pas l'ouverture d'esprit par rapport à ce qui est nouveau, ben, tôt ou tard, elle va se sentir désuète par rapport à la société qui a la capacité d'intégrer ces idées nouvelles-là et les autres individus. Elle va vivre seulement en fonction de mémoire ancienne et va se sentir de plus en plus déphasée. Et cela peut l'amener à vivre de la tristesse. Cela peut l'amener à vivre des sentiments qui vont l'amener à dégrader la qualité de son énergie psychique, en ce sens que quelqu'un qui ressent constamment de la tristesse ou un état de dépression lié au fait qu'elle ne se sent pas en adéquation et capable de composer intelligemment avec la société, fait en sorte que cette personne va être dans un état qui va la limiter de plus en plus au fil du temps. Donc, essentiellement, pour ralentir et voire même empêcher le vieillissement psychique, la personne doit être capable d'intégrer des idées nouvelles qui la met en relation avec le plan mental, tout en étant libre de la tâche d'idées anciennes qui la relie au plan astral. Donc, tant qu'elle est en mesure d'être capable d'intégrer une vibration nouvelle qu'elle va canaliser, elle va pouvoir se sentir vitalisée par elle. Et c'est le fait d'accumuler des formes au fil du temps qui réduit la capacité d'intégrer des idées nouvelles et qui fait en sorte qu'elle devient figée dans ces formes-là et c'est ça qui doit être empêché. Donc, quelqu'un qui demeure jeune d'esprit, peu importe son âge physique, est capable à tout moment de se détacher d'une idée ancienne qui ne fait pas son affaire. Elle a une fluidité psychique qui fait en sorte qu'elle a une grande capacité d'intégration, d'énergie. Et c'est ça qui définit la nature de sa vitalité. Et c'est cette capacité, lorsqu'elle est forte, qu'elle permet de freiner le vieillissement au niveau psychique.